La cave. Épisode 8. Uzumaki. Salut, man. Salut, Jake. Hey, on fait un podcast ensemble. Ouais. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à la cave. On est de retour, nous deux, Jake et moi. Moi, Dominique. Tout seul. Ouais, tout seul. Merci à Boom et Cab qui sont venus, nos premières invités, parler de Final Fantasy VII au dernier épisode. C'était vraiment chouette. Ouais. Je pense qu'on a parlé plus longtemps qu'on pensait, mais quand même, du bon temps. C'est moi qui ai édité ça. C'était long, j'ai enlevé quasiment 45 minutes, man. Ouais. Puis, hey, c'est fucké, man. C'est la première fois qu'on enregistre aussi tard. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, puis, on dirait que je sens une ambiance qui fit au bout avec de quoi qu'on va parler. On est comme. À propos pour. Ouais. Pour le thème. Bon, on y va un peu en réduction. Bienvenue dans la cave, le podcast. La seule émission qui voit vers l'avant pour mieux se rappeler le passé. Oh, wow! C'est ça ton sous-titre, man! Ouais. Tu t'as trouvé ça, Chris? Ben, c'est pas pire. J'ai pensé à ça, là, mais ouais, on qui peut... voit vers l'avant pour se souvenir du passé, ouais. C'est ça? Bon, on peut faire la seule émission qui s'excuse pas. C'est ouais. Mieux. Ouais. Ouais. Non, ça, prenez celle que vous voulez. Ouais. Fait que, ben, salut Michel, hein? C'est... Ouais, mais je pense qu'il est tanné, je pense qu'on il est tanné, être... ok, ouais. On n'en parle plus. Ouais. Okay. Mais c'est ça, on a d'autres invités potentiels pour de futurs épisodes, ça va s'en venir. Il n'y a pas d'horaire d'ordre établi, mais on a des gens pour des émissions spéciales futures, fait que ça s'en vient. Puis pour le moment, ben, c'est seulement moi et toi. Mm. Et on va parler aujourd'hui du manga Uzumaki de Junji Ito, manga qui a été sérialisé dans Big Shukan, je crois, comics, entre 98 et 99. Alors, une œuvre que moi j'ai un gros tome qui compile toute l'œuvre, et toi tu l'as en version anglaise en trois volumes séparés. Ouais, puis ma version est un petit peu plus belle. T'sais, les covers sont super sweet, là. Mais il y a une autre version par Viz. Okay. Qui est en un gros livre aussi. Ah, ok. Puis c'est super beau. L'édition américaine qu'ils ont faite, là, tu sais, c'est comme la couverture est comme noire avec du noir lustré. Ok. Fait que ça fait une espèce d'effet visuel noir sur noir, genre. Hein? Ou genre noir sur gris foncé, ou peu importe. Puis elle sent bon. Tu fais ça toi aussi, genre tout le monde fait ça, sentir les livres. Ben, je pense que c'est le premier qui j'ai vu pouvoir faire ça. Pour vrai? Ouais. Ok, moi j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Ouais. Ok, c'est juste moi. Mais t'as des odeurs différentes, si c'est des comics ou si c'est le style de papier. Chris, oui, man, puis genre, je peux, mettons, lire un livre, puis son odeur va me rappeler un autre livre qui va me ramener à telle époque, genre. Okay. Genre, la première édition de Dragon Ball qui s'achetait dans des pharmacies, hein, c'était des petits livres à 2,50. Là. Fait qu'ils sentaient la pharmacie. Et non, ça sentait... ben, parce que, tu sais, le papier, ça a une odeur vraiment fucké. Je sais pas si t'as déjà été proche d'une usine de papier, mais ça pue le Chris. Oui, oui, oui. Fait que ça avait comme une odeur particulière, puis genre, ça m'arrive genre de sentir mes livres. C'est fucké. Ouais. Ouais. Fait que Uzumaki, il sent très bon. Ok. Ouais. Okay. T'as le sens olfactif développé. I guess. Ouais. Pour les livres, hein, les gars. Okay. Pour les fleurs. Les fleurs aussi, c'est vrai, ta mère m'appelait comme ça, l'homme qui sent les fleurs. Je sens les fleurs parfois. Quand je me promène dans la rue, je vais m'arrêter et je vais sentir une fleur. Oh. Oh boy. Ouais, Dom et moi, on est un peu hangover parce que, Chris, on a fait de party all night, on a fait du karaoké, man. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça se peut qu'on soit un petit peu veg. Mais ça va bien, on replonge dans l'horreur. Oui. C'est le premier sujet thématique d'horreur qu'on parle ici, je crois. Ouais. Puis moi, ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans ce zone-là, puis ça m'a rappelé comment que j'étais un fan d'horreur. Ouais, ça fait du bien. Ouais. À un moment donné, c'est bien beau, là, le monde joyeux, puis qui vont bien, là. Mm-hmm. Non, non. On veut de l'horreur, man. On veut de quoi de dark en même temps de. C'est tellement unique comme style d'horreur. Tu sais, tu peux pas dire que ça appartient. L'affaire peut-être la plus proche, je parle en catégorie de genre, ça serait peut-être Lovecraft. Ouais, il y a beaucoup de. Dans le sens de l'horreur cosmique, une espèce d'entité que. L'humain ne peut pas comprendre. Mm-hmm. Plus grand que nature. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas mal tout. Sinon, c'est tellement unique dans son genre. Tu sais, dans ma version, genre, américaine, tu sais, il y a des petits tags derrière, là. Des petites quotes, là, des petites citations. OK, oui. Puis ils disent, c'est de l'horreur comme The Ring. Ouais, mais tu vois qu'ils essayent juste de faire un lien pour que le monde l'achète, mais ça n'a rien à voir avec The Ring. The Ring, c'est-tu s'il y a eu un manga avant le film? Ou après? Hé, j'ai aucune idée, je pense pas. Ouais. S'il y en a eu un, d'après moi, il y en a eu un après. Ouais, j'ai l'impression que c'est un film. Le film qui a marqué avant. Ouais. Mais c'est ça, je pense, 98, 99, 2000, c'était vraiment le tournant de tout le J-horror, le cinéma d'horreur japonais, justement avec The Ring, le personnage iconique de Spectre. Avec les cheveux dans le visage qu'on a sur et surutilisé, puis qu'ensuite les Américains ont transposé. Et que même dans le cas de Juan, The Grudge, c'était le même réalisateur de la pièce originale de cinéma qui a ré-réalisé pour le public américain. Mm. Donc vraiment overkill de ce côté-là. Tu te rappelles-tu qui a produit ce film-là? The Grudge, je parle. Steven Spielberg. Non, c'est Sam Raimi. Ah, ok. Ouais. De créateur de Evil Dead. Et de Spider-Man. Ben, pas le créateur de Spider-Man, mais c'est lui qui a réalisé les trois premiers Spider-Man. Ouais. Fait que tu sais, tu vois qu'il tripait horreur, puis il a essayé d'amener ça. Ouais. Cette, là. Ouais. Pis c'est cool. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Non. Ok. Ouais. Pis, On digresse. On digresse. Ouais. Comment as-tu connu Uzumaki ou Junji Ito? C'était à Montréal, il y a une dizaine d'années, dans le temps du marché clandestin. Oui, l'endroit où que c'était d'abord, un endroit pour acheter des DVD ou louer. Ouais, c'était acheter, louer, puis il y avait quelques petits mangas, mais c'était super rare. Ouais, le manga est arrivé par la fin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et fait que j'ai découvert ça de même. C'est en allant là-bas, je me rappelle pas du nom du propriétaire de la place, mais à chaque fois que j'y allais, on jasait genre 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Puis il me parlait qu'il venait d'écouter ça, puis qu'il était comme traumatisé. Puis il m'a juste raconté le synopsis rapidement. Il est comme. Là, tu parles du film. Ouais. Ouais. Ouais, exact. Qui est sorti en 2000. Même. Ouais. Fait que ça devait être en genre 2002. Là. Moi, j'ai découvert ça. Le film, il est sorti en 2000. Ouais. Ok. En tout cas, c'était pas longtemps après ça. Puis il me racontait qu'il était traumatisé parce qu'il voyait des spirales partout. Puis j'ai fait comme, what? Pourquoi tu parles de ça? C'est vrai, ça. Mais c'est très vrai. Ouais. Puis c'est un pattern qui est autour de nous, mais qu'on n'en remarque pas nécessairement. Mais quand tu vois l'œuvre ou que tu écoutes le film, là tu le vois partout. Puis c'est vrai que c'est freakant. Tu sais, t'ouvres la porte, puis là, de la poignée de porte, puis là, t'es en train de tourner, puis ça fait une spirale. Fuck! J'ai le ventilateur derrière toi. C'est ça, tu sais. Puis il y a n'importe quel. Tu peux les voir, là. Tu peux les voir partout. Il m'avait conseillé le film. Je suis revenu chez nous, j'ai écouté ça. Et j'ai vraiment trippé à l'époque. Ok. Puis je savais même pas que c'était un manga. Mm-hmm. Puis c'est v'là une couple d'années. Je me permets de te couper. Ouais, vas-y. Est-ce que, mis à part Dragon Ball, est-ce que tu t'as lu du manga quand même assez tôt dans ta découverte du 9e art? Ouais. Ok. En fait, je te dirais, ça a starté avec Dragon Ball, mais ça a jamais arrêté après. Là. Ok. Fait que Ghost in the Shell, compagnie. Là, c'est ça, je pense qu'au fil des années, c'est devenu plus accessible. Les éditeurs nord-américains ont donné de l'avant, je pense. Ça, avant, c'était impossible de faire ça. Ouais, L'Habitant de l'Infini, c'était dans les premiers qu'on avait chez Casterman. Ouais, c'est vrai. J'ai acheté ça super jeune, t'as raison. Ouais. Puis, fait que j'ai juste connu le film. Puis, il y a une couple d'années, je sais pas pourquoi, j'étais comme un peu à la recherche de BD d'horreur. Mm-hmm. Puis, je suis tombé sur le nom de Junji Ito. OK. Puis, j'ai acheté un livre qui est Paradox. C'est-tu juste Paradox? Black Paradox. Mm. Puis j'ai trippé bien raide. Puis j'ai fait un style qui est original. Puis là, je me suis renseigné un peu sur ce qu'il avait fait. Puis j'ai fait, ah fuck, c'est lui qui a fait Uzumaki. Okay. Puis là, j'ai acheté Uzumaki. Puis là, j'ai acheté. T'as joint la boucle. Ouais, puis il a fait un autre manga que j'ai. C'est un des rares que j'ai pas, mais c'est une grosse série qui s'appelle Gio, je pense. G-Y-O. Ouais. Et ça, c'est comme des poissons qui deviennent insectes. Puis il y a un esti de gros requin blanc avec des pattes d'araignée là-dedans, là, qui défonce des murs. Là. Ok. Ben, moi, je peux pas écouter ça. Puis ça a été viré en animé aussi. Okay. Puis il paraît que c'est brillant. Il paraît que c'est super bon, mais Chris, il y a un requin blanc qui défonce des murs, man. Pis ça, c'est un personnage récurrent. C'est quoi? Oui, oui, c'est ça. C'est comme le T-Rex du, de cet univers-là. Ouais. C'est lui qui chie la merde, là. Ouais. En plus de ça, j'ai pas vu, j'ai pas lu, mais je crois qu'il est l'auteur aussi de la série Tomie. Oui, que j'ai ici aussi. OK. Ouais. Puis en intégralité au complet? Ouais. OK, ça fait combien de mangas environ? C'est deux gros volumes. En fait, moi, j'ai l'édition de Dark Horse oui. qui s'appelle The Museum of Terror. Oui. Puis ça, c'est... En fait, c'est Tomie complet. Mm-hmm. Et le troisième volume de Museum of Terror, c'est juste des shorts. OK. Fait que moi, j'ai les deux premiers volumes, donc qui j'ai Tomie. Qui découle de l'univers de Tomie, mais qui c'est pas rattaché. Donc. C'est ça qui est fucké. Ouais. Ils ont trouvé un autre titre. Tu sais, je pense qu'en fait, ils voulaient comme tout publier de Junji et tout. Okay. Puis ils se sont arrêtés après trois. D'accord. Mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que j'ai Tomie, mais sous le nom de Museum of Terror. Okay. Ça a comme pas à voir. Ouais. J'ai regardé Wikipédia tout à l'heure. Puis Tomie, je me rappelle, avait été adapté pour le cinéma. Ouais. Puis, j'ai regardé tantôt, puis il était rendu à 9 adaptations de films live action de Tomie. Fait que quand tu dis on recycle, hein? Ouais, ouais, on n'aime pas, là. Calvaire. Puis en quoi, en 5 ans même pas? Ben voyons, c'est, toi. Ça... Mais attends, mais c'est-tu des suites, genre? Ouais, ouais. Ok, c'est pas un remake, là. Ok, ok, ok. Mais c'est des suites, il y en a 9. Genre. Ouais. Ok. Les 4 derniers, ils doivent pas être si bons. Non, c'est ça, hein. On se fera un marathon. Non, mais... ouais. Non. Mais toi, t'as-tu déjà vu le film? Non, j'ai jamais vu le film, mais c'est comme ça que j'ai connu Uzumaki. Je crois que c'était, comme j'en ai déjà parlé ici, le site web Kung Fu Cult Cinema. Ouais. Un site de nouvelles et de critiques de films japonais, Hong Kong, asiatiques, etc. Je crois que c'était ma première exposition, juste des images, des captures d'écran. Avec la spirale récurrente. Ouais. Mais j'ai jamais eu l'opportunité de voir le film. Puis je pense un peu plus tard, j'étais tombé justement sur des extraits du manga. Donc j'ai associé les deux. Mais c'est tout récent en fait. C'est deux amis, Laurent et Julien, qui m'ont offert ça à ma fête cette année, il y a quelques mois. Puis c'est tout frais, je pense. Même toi et moi, on vient de finir notre lecture. Ouais. Même si on connaissait ça depuis longtemps. Ouais, c'est ça qui est fucké. C'est que moi, je l'ai acheté il y a peut-être un an, puis je l'avais pas lu encore. J'avais pas encore pris le temps de le lire. Ouais. Puis ça, c'est pas mal. Mais on fait tout ça. Ouais. Acheter des livres, des disques, puis on veut, puis on les met de côté, puis plus tard. Mais des fois, c'est le fun de redécouvrir des choses qu'on se rappelait plus qu'on avait. Ben, moi, c'est fucké, là. J'ai acheté Ico, le jeu, quand c'est sorti. Et je l'ai joué, je pense, 6 ou 7 ans plus tard. C'est fucké, là. À chaque fois, je voulais jouer, puis je jouais à d'autres choses, puis tout. Puis finalement, j'avais un PlayStation 3. Okay. Tu sais, c'est genre... Puis j'ai joué à Ico, puis j'ai capoté ma vie. Genre, j'étais comme, OK, c'est le meilleur jeu du monde. Fait que, tu sais, des fois, c'est cool, parce que tu te fais comme... C'est comme si tu te faisais des surprises à toi-même. Ouais, 6, 7 ans, tu voulais. C'est intense, hein. Tu sais, puis, tu sais, il y en a encore. Il y a des trucs de même que j'ai ici, là, genre des films... Tu sais, j'ai Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que ça doit faire 5-6 ans que j'ai ça, puis j'ai jamais écouté, genre. Tu sais, les BD, c'est pareil, là, tu sais. Ouais. Fait que, ben, c'est ton idée d'avoir fait le podcast là-dessus, fait que merci, même, parce que ça nous a comme forcé à le lire. Ouais, ouais. Sinon, on l'aurait lu dans 10 ans, on sait pas. Puis on a trippé, je pense. Oui, oui, beaucoup. Alors, je vais essayer d'y aller avec le synopsis. OK. Alors, on suit les aventures, mais en fait, c'est plus l'histoire, parce que comme quelques œuvres, ça débute que la protagoniste dit « je vais raconter une histoire », donc on sait d'entrée de jeu qu'elle s'en sort, qu'elle s'en sauve, mais c'est de savoir comment découvrir son périple, comment quand ça on est sorti. Ouais. Alors c'est Kirie Goshima, dans la ville de Korozu. Et on apprend que petit à petit, les habitants de la ville ont une étrange fascination pour tout ce qui contient des spirales dans les objets de tous les jours, dans l'architecture, peu importe la manifestation. Et puis ça, ça les rend fous. Ouais. Et de là découle la descente aux enfers, si on veut. Ouais. Et avec elle, il y a son ami de classe, Suichi. Ouais, Suichi. Suichi, Sato. Que lui demeure quand même assez tête froide, puis c'est que on s'en sortirait pas. Ben non, c'est pas tête froide dans le fond. Il est convaincu que c'est on s'en va aux enfers, puis on est damné. Mais c'est un des rares qui voit clair là-dedans. Hein? Ouais. T'sais, il a comme compris que la ville était possédée d'une espèce de. Il appelle ça la spirale, hein? Mais ouais. T'sais, c'est-tu un dieu, c'est-tu une entité démoniaque, on sait pas. T'sais, c'est... Ouais. Mais lui, il a catché que genre. Okay. Parce que en fait, la ville, je sais pas si c'est fictive, mais c'est un tout petit village, puis c'est comme super campagnard. Ouais. Fait que c'est pas comme. C'est pas Tokyo, là. T'sais. Fait que c'est possible qu'il arrive des choses dans ce village-là sans que personne ne sache. T'sais. C'est ça, c'est confiné, c'est isolé. Pis ça, c'est ça qui est fucké, c'est que ça commence comme ça, qu'il y a des trucs avec des spirales, c'est super fucké, il y a des gens qui sont témoins de ça, mais c'est comme tabou, genre. Fait qu'on n'en parle pas. Fait que ça aussi, je trouvais que c'était cool, juste comme dans le sens du réalisme de l'affaire, c'est que, mettons, tu sais, comme au début, un des premiers personnages qui est le père du Suichi. Gars, Suichi, lui, il capote ses spirales, puis il s'entoure juste de patterns de spirales tout le temps. Ouais, il commence à faire une collection d'objets physiques qui ont la propriété d'afficher des spirales. C'est ça, puis il ne parle que de ça, puis il veut se faire des pots en spirales, puis genre, tu sais, ouais. Ça, il prend genre des trucs en spirales dans sa bouffe, puis finalement, tu sais, comme il réussit à se tuer lui-même pour se transformer en spirale, tu sais. Ouais. Sauf que ça, tu sais, comme. Les protagonistes l'ont vu, mais personne n'en parle, tu sais, parce que c'est tabou. Fait que, au funérailles, ils vont pas parler de ça, t'sais. Non, c'est pour pas alarmer le reste de la population. Exact. C'est-à-dire que ça s'est jamais vu, ce type de choses-là, fait qu'on veut le garder enterré. C'est ça. Puis vu aussi que c'est beaucoup relié à la folie, tu te demandes si les personnes qui sont témoins de ces affaires-là, s'ils sont pas eux aussi un peu fous, genre. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font comme fuck, j'ai l'impression que je suis en train de virer fou. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe là? Là je suis en train de douter, fait que je vais me rassembler à ceux qui font comme s'ils savaient pas, puis c'est bien correct. Mm. Je vais avoir l'esprit tranquille comme ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette histoire-là est coupée en plein de petits chapitres. Oui, d'une trentaine de pages environ chaque. Qui pourraient quasiment être des histoires en soi. Il y a un fil conducteur tout le long, puis il y a un build-up, surtout vers la fin. Oui. Mais sinon, c'est presque juste des... Tu sais, j'allais dire comme un Monster of the Week. Là. Oui. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Je pense que c'est un petit peu avant la moitié. Je crois qu'on a quand même établi un bon moment d'histoire, le développement des personnages. Puis à ce moment-là, l'arche narratif prend une sorte de pause. On continue à suivre surtout Kirie, le personnage féminin. Mais comme tu dis, c'est des histoires complètes en soi, des mini-histoires. Alors, l'univers est là, on connaît le ce qui afflige les gens, la malédiction. Puis l'auteur peut jouer avec ça, fait qu'on aurait pu faire plein d'autres petites histoires en attendant de dévoiler plus de... C'est ça. Ouais, puis même, t'as l'impression que... Il aurait pu faire ça à l'infini. Là. Oui. Il aurait pu juste comme. Le concept d'Uzumaki, tu peux le voir partout, comme on a dit. Fait que il y a un potentiel d'histoire. Parce que, encore une fois, même si à la fin on voit un peu plus c'est d'où ça vient, mais c'est jamais dit c'est quoi vraiment. Oui. Ça aussi, ça fait très Lovecraftien. On comprend pas c'est quoi, on sait pas d'où ça vient. Mais ça nous affecte, puis on vire fou. Ouais. On vire fou quand on voit ça, ouais. Fait que... C'était-tu ton premier Junji Ito? Oui, absolument. OK. Absolument, mais c'est ça que tu m'as montré tout à l'heure dans ta bibliothèque, les livres que j'ai pas encore pris le temps de sentir. mais Black Paradox, puis... Le tunnel aussi, qui a de l'air super cool. Oui, oui. Que j'ai pas lu. j'ai perdu mon dé. Tu savais-tu... c'est ça je voulais dire. Savais-tu que Junji Ito était un dentiste? Avant d'être un mangaka. C'est un dentiste qui faisait de la BD en sideline, puis un moment donné, ça l'a explosé, puis il est devenu populaire, puis il a juste gagné sa vie avec ça. Je me rappelle que tu as déjà conté cette anecdote-là quand tu étais au Mystérieux Étonnant. Salut les amis des Mystérieux Étonnants. Salut. Mais je me mêle un peu, je croyais que c'était Maojo, celui qui a fait la chenille, puis qui est beaucoup plus graphique. Non, c'est peut-être parce que je me suis acheté tout ça en même temps. Ouais. Mais c'est Junji Ito. Puis si ça vous intéresse, là, tu connais-tu Jonathan Ross? C'est un talk show host britannique. Non. Puis que lui, c'est un maniaque de BD et c'est un maniaque de culture japonaise. Okay. Et il a fait... show est là-dessus? Non. Okay. Son show, c'est comme un late night show. Là, OK. Mais il a réalisé plusieurs documentaires, dont un sur le créateur de Spider-Man, pas Stan Lee, mais Steve Ditko. OK. Et il a fait une série qui est toute disponible sur YouTube qui s'appelle Japanorama. Oui, oui, ok, oui. Parce qu'il tripe bien raide sur la culture japonaise. Oui, ça date quand même. Oui, c'est même, je te dirais, début 2000. Puis au début, comme j'ai checké ça, puis juste à cause de la facture, puis genre un British à Tokyo, j'étais comme, ça va être full cliché, ça va être full de surface, puis tout. Puis finalement, pas en tout, c'est vraiment genre, il va... interviewer des gens super intéressants, beaucoup de mangaka, beaucoup d'artistes de la musique underground là-bas. Okay. Puis un des mangaka qu'il interviewe, c'est Junji Ito. Puis il parle un peu de ses références, de où ça vient, de son inspiration, pis tout. Fait que si ça vous intéresse, allez checker ça, Japanorama, genre c'est sur YouTube. Là. Ok. Est-ce que tous devraient écouter ça. Non, je l'ai écouté, mais ça fait longtemps. Ah, ok. Mais est-ce que tu te rappelles, quand on a eu un surplus de nouvelles, de nouveaux postes de télé, je pense que c'était Évasion. Puis je pense que j'avais eu quelques bouts de documentaires, c'est sous-titré en français, mais là je me demande est-ce qu'ils ont pigé là-dedans puis ont juste enlevé les bouts où on entend parler le Jonathan Ross. Mais, je pense que oui, parce que... C'est ça, parce qu'il y avait Shinya Tsukamoto, le réalisateur de Tetsuo, entre autres. Ouais, ouais. Snake of Jones, puis Mel Banana. Oui. Puis la chanteuse Amerdan disait qu'elle aimait mieux Gamera que Godzilla. Ouais, ouais, ouais. Puis t'avais un autre japonais que justement, pour introduire Mad Banana, il commence. Puis, ouais, Beethoven, Mozart, tous ces grands artistes-là, font pas du noise. Puis là, c'est comme ça. En tout cas, je sais pas si c'est la même chose, mais c'était dans le même moule, c'est le titre de documentaire. Ça. C'est très hard. Mais oui, je pense que c'est ça. Je suis pas mal sûr que c'est ça, en fait. En tout cas, sûrement qu'il y en a eu plein d'autres. Qui ont couvert ça. On a toujours... C'est toujours convivial, puis on a toujours pas vraiment structure, mais c'est du qu'on passe tout de suite en musique, puis qu'après ça, on va. OK. Ouais. Ben oui. OK. Alors, moi, j'ai choisi une pièce un peu plus d'ambiance, puis toi aussi, je sais pas si tu m'as dit. Ouais. Fait qu'on... Moi, j'ai choisi le morceau Throne of Papa de Ray Rhea. We'll be right back. c'est fucking hot, man. Uzumaki, ouais. Le manga, ok, juste au cas où c'était pas clair, parce que tu sais, j'ai l'impression que à cause de l'ambiance de fin de soirée, on est hangover, on se sent un peu douillet, on a de l'air peut-être calme un petit peu trop, c'est-à-dire que je suis pas en train de crier, mais moi j'ai capoté là-dessus et ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle expérience de lecture, ouais. Parce que un autre de mes fantasmes, qu'est-ce que je disais, un autre de mes tics ou de mes voyons. Fétiche. Ouais, mon fétiche, mais j'ai comme un rituel quand je lis. Ok. C'est-à-dire que je vais me mettre de la musique d'ambiance. Appropriée à ce que tu lis. Exactement. Puis est-ce que tu traînes ta radio quand tu vas aux toilettes? C'est très drôle, ça, d'où. C'est très drôle, ça, d'où. C'est très drôle. C'est good one, buddy. Good one. Si vous prêtez des BD à Jake, c'est qui est passé du temps dans une chambre close. Pis toi, tu veux pas, genre. Non. Mais qu'est-ce que ça crisse? Qu'est-ce que ça fait? Je vais pas chier sur ta BD, man. Ah, c'est que. T'as pas vu l'épisode de Seinfeld quand George il prend ça puis il s'en va aux toilettes puis après ça il est obligé de l'acheter puis là il essaye de revendre le livre puis il est comme flagué dans le système informatique, ah non il a été aux toilettes, on peut pas l'acheter puis... Wow, je savais même pas qu'il y avait des systèmes informatiques dans le temps de Seinfeld. C'est-tu bon Seinfeld? Ça serait coutu ou c'était genre un truc du moment, ouais? Ouais, mais c'est ça. Okay. Ça a pas vieilli, mais nous on a vieilli par rapport à ça. Ouais. Tu tapes genre normcore, là, le post-hipster qui est habillé tout comme sans fil, sans rien. Okay. C'est toutes des images de Seinfeld. Ils ont comme élu Seinfeld comme dieu. Okay. Fashion dans le normcore. Ok. Mais bref, ce que j'écoutais pendant que je lisais Uzumaki, c'était la trame sonore de Silent Hill. Man. Oui. Du premier Silent Hill. Ok. Et fait que c'est beaucoup d'ambiance. Hein? Ça a toujours été le même compositeur dans tous les jeux. Okay. C'est Akira Yamaoka. Oui. Que maintenant travaille pour Grasshopper Studios, man. Il a quitté Konami. Grasshopper, c'est un nom de jeu. Grasshopper, c'est une petite boîte indépendante dirigée par Suda51. Okay. Suda51, c'est lui qui a fait des jeux tels Killer 7, okay. No More Heroes. Okay. Des jeux dont j'ai jamais joué. Ok, mais c'est des jeux. Bon jeu. Puis c'est parce que, en fait, c'est des jeux. Si on peut dire qu'il y a des films d'auteur, ça, c'est des jeux d'auteur. Okay. Fait que ça a une signature super précise, puis ça a un style. Puis c'est le style d'un gars. Suda51, dude, faut que... Je sais que Pop en stock, je fais une petite pub demain. Ah, peut-être que ça va être sorti. On va-tu sortir avant jeudi? Ouais, okay. Mercredi soir. Ah, bon, ben, okay. Demain, écoutez Pop en stock, les amis. C'est sur Suda51. Ah, wow. Ok. Mais bref, ça n'a aucun rapport avec Uzumaki, mais... Malgré ça, le pire, c'est que je trouve que Silent Hill et Uzumaki ont aussi des similarités. Non, hein? Oh, okay. Similarities. Au niveau de l'ambiance. Fait que je trouve que ça fit au bout. Ouais. Malgré qu'Uzumaki, il n'y a pas vraiment de temps mort, je trouve. C'est pas que c'est toujours action, mais moins d'ambiance, moins de silence, en guillemets radiophonique. Là. T'as raison, c'est t'as, vrai. T'as pas des 10 pages, que t'as une fille qui marche, puis y a pas d'interaction. T'as raison, c'est vrai. À part à la fin. À la fin, moi, je sentais vraiment l'espèce de chemin, tu sais, que ça dure des jours et des jours et des jours, puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on se fait diriger par cette espèce de pattern de spirale-là, puis on descend en enfer, tu sais. Ouais. Sinon, ça aurait peut-être fité Downward Spiral. Écoutez cet album-là de Nine Inch Nails en lisant Uzumaki. Il y a une couple de tunes là-dedans là, qui aurait fité, je pense. Tu sais, Everything is blue in this world. C'est de quoi je parle? Ouais, ça fait très longtemps. Ok. Ouais. Tu sais, c'est des ambiances fuckées. Hein? Ouais. Alors, dites-nous. Dites-nous qu'est-ce que vous écoutez en lisant des BD. Ouais. Dites-nous si vous avez des trames sonores appropriées, si vous lisez pas. Je sais que justement Ben, les mystérieux, je crois qu'il m'a dit à un moment donné que lui, il n'est pas capable, il faut qu'il n'y ait pas de bruit ambiant pour qu'il puisse lire. Ouais. Mais c'est ça, moi aussi, j'essaie la plupart du temps de, d'avoir, de, la musique. D'avoir une musique appropriée. Fait qu'est-ce que t'as écouté en lisant Uzumaki? Uzumaki, j'ai écouté, je l'ai lu comme en deux shots et demi. Ouais. J'ai écouté Disquiet Army, qui est un artiste montréalais ambiant très, très, très intéressant. Portal, du Death, Impoeurant. Mm-hmm. Puis Merzbo, un artiste noir japonais aussi. Fait que toujours dans des terrains ambiants. Nice, nice. Ouais, ouais. Puis c'est ça, juste parenthèse, je trouvais que au niveau carrément de 180 degrés, mais la série Les Nombris. Ouais. Bizarrement, je trouve que du vieux emo, ça se porte très bien à ça. Ah ouais? Ouais. Genre Braid, Cap and Jazz. Ah ouais? Ouais. Ah, ben. Moi je trouve ça bien. Ok. Moi je te trouve fucké. Ouais. Moi je vois genre du Britney Spears. Hein. Ouais. Puis du fucking Miley Cyrus. Hein. Ouais. Mais pour que nous on puisse capable. Pour que je sois capable d'écouter la musique et de continuer à aller. Ben tu sauras, Doom, qu'il y a des tunes de Britney Spears que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et Miley Cyrus aussi, je l'aime beaucoup. Défaisons les tabous qu'un punk qui trippe sur l'horreur n'a pas le droit d'aimer de la petite pop. Ouais. Qu'étonne. I came in like a wrecking ball. C'est ça qui nous manque, man. On chante pas assez par la pop. Man, je suis en train de le feuilleter, il y a des affaires là, ouais. Visuellement malades. Ouais. Parce qu'on n'a même pas parlé du visuel. Ouais, check ça comment c'est. Ouais, alors tout le monde peut regarder à l'écran. Si tout le monde regarde leur ordi et que vous commencez à spinner des yeux en spirale, ouais. Full vite, ouais. Vous allez voir l'image que je vous parle. Ouais. Puis un petit truc, allez sur Google, tapez « Do a barrel roll ». Oui. Google va faire une spirale. C'est vrai, man. Puis ça, c'est. Tu savais-tu qu'il y a plein d'affaires de merde? Ah, il y a plein de Google hacks, là. C'est ça. Puis tu sais, genre, tu peux, genre, à un moment donné, jouer un jeu, je sais pas trop, détruire les commentaires des autres, puis genre, pitcher une balle qui. En tout cas, ouais. Fucked up. Ça m'avait frappé un peu stylistiquement. C'est quand même 98-99. Puis je crois qu'il y a quand même beaucoup de mangas récents qui sont beaucoup plus près de la structure traditionnelle, je veux dire visuelle, les mêmes traits faciaux ou archétypes, mettons le personnage masculin et le personnage féminin. Je trouve que lui, il avait une touche quand même plus unique, personnelle dans son design de personnage. Full d'accord. Non, c'est malade. Puis aussi, c'est que il y a comme ce gars-là, man, il a catché quoi, man. Parce que du dessin d'horreur, là, tu sais, évidemment, c'est pas les mêmes codes qu'au cinéma. T'sais, au cinéma, c'est beaucoup sur le timing, blablabla. Ouais. Visuellement, il a comme catché, puis il a essayé d'intégrer beaucoup d'influence, tu sais, qui vient du cri de Munch. Oui. Fait que rappelle-toi, dans le cri de Munch, il y a des spirales, puis ça fait comme, c'est juste des petits traits qui font quasiment un peu Van Gogh, là. Ouais, ben ça, c'était l'autre référence que j'avais, parce qu'il y en a quelques plans dans Uzumaki qu'on voit le ciel. Ouais. Et là, c'est des longues boules, des longues spirales. Ouais. Et ça fait vraiment le ciel dans la toile de Van Gogh, je me rappelle pas, mais un classique. Ouais. En blanc sur fond bleu, en espèce de pointillé. Oui. Puis il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Ouais. Puis dans le cri de Munch, on dirait que le personnage est t'as un petit peu en début de spirale, son visage est un peu cambré. Il est tordu. T'es. Ouais, ouais. On peut imaginer la succession de sa déformation. Ouais. Puis, fait que c'est inspiré de ça un peu. Ce qui est super intéressant, c'est quand c'est juxtaposé au style plus manga. Oui. C'est très, très, très focusé sur les personnages. C'est pas de l'art que tu vas voir full de background ou full de... Tu sais, c'est souvent des close-up. Ouais, et puis le détail va être souvent dans les manifestations de spirale. Ouais. Que ce soit dans les objets inanimés ou dans les humains, les corps qui se transforment. Ouais. Il y a quelques splash ou devant splash des deux pages, des plans plus rapprochés. Ouais. Justement, vu que c'est très épisodique, oui. Ça se dit-tu, ça? Oui, absolument. Y a-tu comme un épisode qui t'a plus marqué ou que t'aurais passé plus de temps dedans ou que... Parce qu'on s'entend qu'au début, c'est surréel du début jusqu'à la fin. Ouais. Mais à la fin, c'est vraiment, là, on est ailleurs, là. On est quasiment dans une autre dimension. Là, ouais. Au début, c'est quand même très terre à terre, mais il y a des gens qui font des affaires fuckées. Mm-hmm. Mm-hmm. À la fin, c'est juste... Toute la ville est affichée. Toute la ville est fuckée, mm-hmm. Et comme dans un autre... Ouais, ouais. T'sais, d'une autre dimension, carrément. Ok, donc ta question est de savoir si il y a un épisode qui t'a comme plus marqué ou que t'aurais aimé mieux, genre t'aurais aimé ça passer plus de temps dedans, ouais. Ou genre... Ouais, il y a un petit moment où, si je me rappelle, c'est la seule fois que le personnage féminin Kyrie est... affecté. Ouais, affecté par cette malédiction-là. Elle va chez la coiffeuse. Ou non, c'est avant. En tout cas, ses cheveux prennent la manifestation des spirales. Donc, elle a des cheveux droits, des cheveux lisses, puis mm-hmm. ils font des boucles, des spirales. Ouais. Puis elle est incapable de contrôler ça. Et puis c'est ça, là, elle va chez la coiffeuse, puis finalement, ses cheveux attaquent la coiffeuse et, là-dessus, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est ça, donc dans le fond, elle se résigne pour pouvoir contrôler ça. Alors, elle continue sa vie, puis elle va à l'école. Donc, tous les gens sont. Omnibulé, hypnotisé par ça. Puis il y a une autre camarade de classe qui, elle aussi, a les mêmes propriétés de cheveux. Puis là, ça devient un peu une espèce de guerre de pouvoir. Ouais. Mais c'est ça, ce que j'aurais aimé mieux, plus approfondir, c'est peut-être dans d'autres situations comme ça, dans le moule de classe, à l'école, les okay. personnages adolescents. Okay. Sauf qu'il y en a un autre, justement. Un autre épisode, que ce soit un autre camarade qui lui se transforme en limace ouais. peu à peu. Ouais. Ça, ça va revenir un peu plus tard dans les BD. Ça, c'est complètement fucké. Ouais. Puis ça, c'est très déstabilisant parce que il se passe, genre, tu sais, il y a un personnage qui se transforme de plus en plus en limace. Puis tout le monde est comme. Tu sais, le monde est comme fou un peu parce que le monde le voit, ils sont horrifiés, mais en même temps, ils l'acceptent. Fait qu'ils construisent un espèce de cabanon, genre, ouais, comme derrière l'école. Pour le contenir. Pour le contenir, tu sais. Puis, tu sais, juste penser à ça, t'es comme, asti que c'est fucky, tu sais. Puis, je trouve ça brillant que ça se passe dans un petit village à cause de ça. Ouais. Parce que si ça se ferait pour vrai, c'est probablement même que ça arriverait, tu sais. Ils appelleraient pas, genre, la grosse station de télé pour faire un reportage là-dessus, là. Ils feraient comme, holy shit, c'est fucky, genre, tu sais, on est. On va le mettre dans la cave. On va le mettre dans la cave, puis on n'en reparle plus. Ouais. Mais ce que j'aime aussi, c'est que à chaque épisode, t'as aucune idée où c'est qui s'en va. Fait tu sais, cette affaire-là de l'immense, au début, ça sort de nulle part, t'as aucune idée. Évidemment, c'est la coquille qui a le pattern de spirale, c'est ça le lien. Ouais. En fait, les personnages ont d'abord une espèce de pigmentation sur le dos, qui ensuite va se concrétiser en coquille plus dure, et puis qui va s'ériger, pousser du dos, puis peu à peu, ils vont se transformer en limaces visqueuses. Mais j'ai l'impression que par moment, on dirait qu'il y avait des idées pour d'autres histoires, ouais. d'un autre concept, okay. puis qu'ils essayaient de faire fuiter ça là-dedans. Genre, tout l'épisode à l'hôpital avec les femmes enceintes, ouais. c'est complètement fou et c'est très hot. Moi, ça aurait pu être un début d'histoire, d'autres histoires d'horreur. Exact. Ça aurait pu être un short qui se tient tout seul, ouais. puis ça n'avait pas vraiment de lien. Mm-hmm. Parce que c'est un moment donné qui m'a un peu gossé, mettons j'aurais une critique négative à faire, mm-hmm. c'est que vu qu'il y a un personnage principal qui s'y vit toutes ces anecdotes-là, oui. ben un moment donné, ça devient comme... Ça se peut pas, là. Okay. Pas dans le sens, genre, ça se peut pas que quelqu'un se transforme en spirale, mais dans le sens que tu deviens fou, là. Si tu vois tout le monde que tu connais mourir de manière atroce, tu te ramasses dans un hôpital où les femmes accouchent, où les femmes se nourrissent de sang pour nourrir leur bébé, puis qui tuent du monde avec des espèces de drills. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, si t'as vécu tout ça, capote, là. Tu fais pas comme, hey, c'est donc bien bizarre qu'est-ce qui se passe dans le village. Prochaine aventure. C'est ça, penses-tu que. Puis là, il y a son chum qui est comme, ah, c'est possédé par la spirale, puis il est comme, ah, ouais, tu penses. Puis t'es comme, même d'après toi, asti, c'est fucking raide. L'épisode de Jack in the Box, oui. Que moi j'ai trippé encore, mais encore une fois, ça aurait pu être un short complètement ailleurs, tu sais. Mm-hmm. C'est l'histoire de. Puis ça, c'est dans le film, je me rappelle. Ok. C'est clair, je me rappelle pas comment que le film finit. Ok, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce qu'il est temps fidèle ou il arrête à un certain moment? Je me rappelle pas comment que ça finit, mais je suis pas mal sûr que ça finit pas comme le manga. D'après moi, le film devait être en production avant la fin du manga. J'ai l'impression aussi. Ils ont sûrement pris une partie du concept et sont allés. C'est ça. C'est parce qu'en fait, le film s'est vraiment approprié le pitch de base. C'est-à-dire, spirale, ça fait virer fou. Genre. Ouais. Fait que c'est vraiment comme toutes les petites. Puis c'est vrai que c'est un bon pitch parce que visuellement, tu le vois tout de suite. En une image, tu fais comme « Wow, c'est dans ma fucking tête. » Est-ce que tu te souviens pour une production japonaise qui ne devait pas avoir des millions de sous en début 2000, côté effets spéciaux? Ça... J'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure, puis ça... C'est cheap. Ouais, c'est super cheap. Okay. À l'époque, je m'en crissais. Je le voyais. Même à l'époque, ça paraissait que c'était cheap. Ouais, mais c'est ça, le concept est tellement fort que tu veux embarquer là-dedans. Ouais. J'ai essayé de le réécouter, je pense, il y a 2 ans. Quand je me suis acheté le manga, je fais là, je vais me retaper le film, puis je l'avais pas fini. Ok. Je pense pas que, genre, tu sais, je l'ai pas fermé en disant c'est dans mes poches, il s'est passé quelque chose d'autre, ou je sais pas, je me suis fait déranger, blablabla, mais je suis pas retourné le film. T'étais moins investi. Fait que c'est ça, j'étais pas d'abord. Ouais. Puis je me rappelle que le ton était très weird, c'était beaucoup plus humoristique que je me rappelais. Ouais. Puis le manga est zéro humoristique. Là. Ouais. Mais le ton dans le film, il y avait quelque chose de genre. Wacky, genre. Puis c'est vrai que c'est dur de faire ça parce que visuellement, c'est grotesque. Puis ça peut faire rire, tu sais. Mm-hmm. Ça peut faire rire de voir genre un gars se tourner les yeux en spirale. Là, ouais. J'ai une petite anecdote par rapport au film. C'était en fait mon frère qui était avec sa blonde du temps. Puis ils étaient à Montréal, au marché Jean Talon, je crois. Puis, je sais pas pourquoi, je pense qu'il avait entendu parler ou j'en avais parlé. Puis la blonde a comme crié « Uzumaki » juste pour le fun. Puis il y a 2 Asiatiques qui se sont virés, puis tout apeuré, puis « Puis pas pour vrai! je sais pas si c'était directement lié à ça, mais il y a eu... Michel m'a demandé si c'était sur quoi notre podcast. Ok. Puis j'ai dit « Uzumaki ». Puis il a fait « Hein, Naruto! » Parce que Naruto, son nom de famille, c'est Uzumaki. Et le symbole du clan des feuilles, c'est une spirale avec une petite pointe au bout. Ok, ben oui. Fait que ça a peut-être rapport avec ça, là. Est-ce que Uzumaki veut dire spirale? Oui. Ok, bon, ben c'est ça. Ouais. Fait qu'il s'appelle Naruto Spirale. Fait que... C'est on parle bien d'un manga d'horreur, là. On parle pas d'un manga de ninja... Non. Ben, le pire, c'est que je peux peut-être juste parler de l'épisode de Jack in the Box, parce que c'est complètement fucké. Puis ça, c'est ça, il y a ça dans le film, comme j'ai dit tantôt, mais... Donc, un de ses camarades de classe. C'est ça, c'est un de ses camarades de classe qu'il a le surnom de Jack in the Box, parce qu'il fait tout le temps faire des sauts. Oui. Fait qu'il va se cacher derrière un buisson, puis il va sortir genre en criant. Puis finalement, il trippe sur notre héroïne. C'est ça, en fait, sa manière de lui montrer qu'il l'aime. Comment? De lui montrer qu'il est intéressé, de lui donner toute cette attention-là avec une manière assez perverse et dérangée de la faire sursauter. C'est ça, tu sais, lui, il pense qu'à triple. Lui, dans sa tête, c'est une preuve d'amour, ouais. Tu sais, qu'il fait faire des sauts tout le temps. Ouais. Elle, évidemment, ça la gosse au bout. Lui, il dit qu'il est en amour avec, qu'il va tout faire pour que ça soit sa blonde. Mm-hmm. Ça, juste ça, c'est super fréquent, se faire dire ça. Ouais. Et finalement, genre, il offre un cadeau. Elle refuse le cadeau. Ouais, elle ouvre même pas. Elle arrive pour y redonner, puis il fait comme, non, check, je vais te prouver comment que je t'aime. Je vais arrêter la voiture qui est là. Puis il se met devant le char. Ouais. Il se fait fesser par le char, mais il se fait comme embarquer dans la roue. Ouais. De l'auto. Fait qu'évidemment, encore là, la spirale qui revient. Il se fait enterrer. Après ça, la fille, ben, elle reste avec le cadeau, elle est un peu traumatisée. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, comme, encore, tu sais, si tu vois genre 8 personnes dans ta vie crever de manière épouvantable, c'est ça. Même tu freak out. Il aurait pu trouver un moyen d'introduire d'autres personnages pour faire vivre ces petites aventures. Exactement. Je pense que ça aurait mieux fonctionné parce que ça aurait fait comme, OK, ça se passe partout autour de la ville. Ouais. Et non pas. Un peu de répit au personnage principal. C'est ça. Parce que là, vu qu'elle vit tout ça, une affaire après l'autre, à un moment donné, ça manque de sens. Mais bref, ça, c'est ma scène que j'aime bien gros. C'est qu'évidemment, elle ouvre le cadeau et c'est un Jack in the Box. Ouais. Fait que c'est un espèce de petit clown en spring qui sort de la boîte. Mm-hmm. Puis elle trouve ça dégueu, elle est full traumatisée, elle se couche le soir, puis elle entend son nom. Puis elle se vire, puis elle voit le petit clown qui parle, puis il dit « c'est ta faute, tiens mort, c'est ta faute ». Et même le visuel de ça, là, is freaky as shit. Pour vrai, c'est tough même faire de l'horreur en BD, man. C'est tough faire peur par un dessin, puis ça marche même. C'est genre, t'as un frisson de genre, ah, oh, tu sais que je voudrais jamais voir ça. Là. Ouais. Ouais, tu sais, je connais quelqu'un là, qui a une phobie des clowns, ben, elle pourrait pas regarder ça. Puis, fait que finalement, elle et son chum, tantôt t'as dit qu'il est terre à terre, mais non, pas en tout, lui, il est complètement fou, mais il a raison. Ouais, ben, il est lucide dans sa folie, de savoir de « OK, on est dans le marbre, on fait même tout. » Il est caché quand t'es comme en enfant. Ouais, on peut pas s'en sortir, mais je vais t'aider à l'autre niveau pour qu'on s'intimise. Comme lui, ça a du sens qu'il soit comme ça, parce qu'au début de la BD, ses deux parents meurent avec le truc de spirale. Ouais, ben, en fait, ça fait le lien, parce que c'est le père de Kyrien, personnage principal féminin, qui est céramiste, et le père de Shuichi, c'est le premier qu'on voit affecté, c'est lui qui est possédé et qui entretient une collection d'objets de spirale. Et puis il va voir le père de Kyrie, qui est céramiste, pour lui demander, fais-moi une grosse œuvre avec ça. Fait que c'est le point connecteur entre les deux personnages. Mais bref, si tes deux parents meurent, dans une semaine, par des faits inexplicables. Exactement, tu vires fou un peu. Fait que lui, ça a du sens. Fait que là, lui, quand il entend ça, qu'il entend en fait sa blonde dire le petit clown m'a parlé dans mon sommeil, puis il m'a dit que c'était de ma faute, lui, il dit ah ben faut aller trouver le cadavre, puis le tuer, puis rentrer un pieu dans le cœur. Il est comme complètement fou, mais en même temps, t'es comme I guess, parce que. C'est logique dans sa folie, sur n'importe qui, l'extérieur entend ça, puis il est fou, toi. Quand ouais, c'est ça. Fait qu'ils s'en vont. Déterrer le corps. Et ça, c'est très cool, parce qu'au début, tu fais comme qu'est-ce qui se passe? Fait qu'évidemment, il déterre le corps. Quand il commence à déterrer juste l'odeur du cadavre qui est pourri, parce que c'est ça, vu qu'il s'est fait entourer dans la roue, il s'est fait embarquer dans la roue, il est carrément démembré. Exactement, fait qu'il a fallu qu'il soit repatché, mais tu sais, il n'y a pas un bout qui est intact. Puis il sort du cercueil en Jack in the Box, en espèce de spring, genre, là tu fais comme, my god, c'est fucked up, là on dirait une espèce de zombie qui saute vers eux autres, genre. Fait qu'eux autres, évidemment, ils capotent, ils ont peur, ils crient, ils s'en vont, et plus ils avancent, plus ils perdent des membres, fait qu'ils perdent une jambe, puis là finalement, ils perdent tout le bas de son corps, et tu vois une espèce de spring, qui est dans le fond le spring de la voiture qu'ils n'ont pas réussi à sortir du corps. Ouais. Fait que là, tu fais que, ah, ça c'est cool, ça c'est brillant, parce que pendant une seconde, tu penses vraiment que, ok, on est rendu avec des zombies dans cet univers-là, what the fuck qui se passe. Puis finalement, non, c'est juste comme, encore une fois, une manifestation de la spirale, mais c'est quasiment plus, c'est accidentel. Là. Encore là, la ligne est très mince, je sais pas si tu te rappelles, dans le film, si ça avait été joué de la même façon, j'ai pas de misère à croire que ça pourrait être facilement tourné au risible. Ben oui, c'est clair. Puis tu sais que je me rappelle pas dans le film, mais c'est sûr qu'ils ont mis genre boing, boing, boing, tu sais. Fait que faudrait que je le réécoute le film. Ouais. Maintenant que j'ai lu le manga, je suis sûr que ce serait plus intéressant. Ouais. Fait que ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais genre ça représente pas nécessairement le ton de la BD. Après ça, t'as tout l'épisode dans l'hôpital avec les femmes vampires, que ça, c'est complètement fucked up. Puis c'est fucké. Le visuel, encore une fois, il est assez troublant. Parce que là, on a des bébés qui sont nés et qui veulent retourner ouais. dans le ventre de leur mère. Et un docteur que lui, il catch, puis il est comme, ouais, ça a bien du sens, les bébés, ils ont retourné dans le ventre. Ouais. Fait que c'est fucked up. c'est pas cool. Il y a quelques fois que on a des personnages qui sont affligés, qui ne montrent pas directement, qui sont maudits par cette situation-là, mais continuent à faire leur train-train quotidien, puis à interagir avec d'autres gens. Puis on voit un petit peu par la suite, ok, c'est ça la cause, c'est ça qui... comme ceux qui sont maudits, souvent physiquement, des transformations physiques. Ouais. Voilà. Okay. Mais, qu'est-ce que t'as pensé de la fin, toi? Je trouve qu'on est allé, ça montait un peu. Puis à un moment donné, on est allé grosse flèche bien plus haut dans le what the fuck. Ouais. Puis ça a coupé court. Ouais. Mais c'est correct de pas expliquer. Mais ouais. Moi, en fait, c'est drôle parce que j'ai adoré la fin, mais j'ai détesté le bout juste avant la fin. Fait qu'à un moment donné, il y a un changement dans l'atmosphère qui fait que si tu griffes trop fort ou si tu donnes un gros coup de vent, ça peut créer une tornade. Puis là, je trouve qu'à partir de ce moment-là, c'est que la logique est plus là partout. Fait que là, il y a des personnages qui se battent, mais que ça fait pas de tornade. Puis il y a un personnage qui marche un petit peu trop vite, puis ça m'en crée une. Okay. Puis là, tu sais. Okay. Puis là, c'est comme, what the fuck, pourquoi? Non, ça a plus rapport. Ouais. En même temps, ce que j'aime, c'est qu'à un moment donné, les personnages essaient de sortir. Ils sont incapables. Mm-hmm. Et t'as l'impression que l'espace-temps est modifié. Ouais, ben il l'est, parce que. Il l'est. Quand ils reviennent, ils essaient d'y aller par la forêt. Ouais. Les montagnes qui entourent la ville. Mm-hmm. Puis finalement, ils décident de retourner. Puis ils retrouvent tout le village carrément changé, puis les personnages vieillis. C'est vraiment un des autres personnages qui était resté au village dit non, ça fait des années. Ouais. Fait que oui, il y a clairement un espace-temps qui a été altéré. Puis évidemment, le village a tout été reconstruit en forme de spirale. Oui, parce que juste avant, quand les gens, comme tu disais, sont capables très facilement de créer des tornades super puissantes, ils défont tout. L'architecture, tout ce qui est là. Puis il y a seulement quelques vieilles baraques de bois puis de béton qui datent de fin 1800 environ, ouais. qui résistent à ces intempéries-là. Ouais. C'est ça? Ouais. Oh, ouais. On est hangover, man. On est hangover. Puis finalement, c'est ça, c'est que tout le village est fait en forme de spirale qui mène à un point qui est le maudit Dragonfly Swamp, Dragonfly... Ouais, moi en français c'était l'étang des libellules. Ok. C'est ça. Ouais, Dragonfly Pond, je pense, en anglais. Ouais. Que ça, on sait aussi que ça a une connexion. Ouais. Fait que ça mène vers ça. Nos personnages se rendent là, puis ils voient que, évidemment, ça fait une spirale qui mène vers le bas, fait qu'ils descendent de plus en plus creux. Mmh. Mais là, il y a comme plus de... C'est pour ça que je dis que ça fait très Lovecraftien, parce que il y a plus de... C'est juste de la folie, puis il n'y a plus de sens logique à rien. Ouais. Puis ça, je trouvais ça cool, pour ça. Fait qu'ils descendent de plus en plus, mais à un moment donné, ils se ramassent comme dans le vide. Dans des ruines souterraines. Puis même à ça, moi, j'ai l'impression que c'était le ciel qu'on voyait. Là. OK. Fait que j'avais même pas l'impression que c'était souterrain, j'avais l'impression que c'était juste ailleurs. C'est comme le portal dans Alice au Pays des Merveilles, genre, okay. T'sais. Que tu traverses ça, puis tu te ramasses dans la zone des spirales la plus extrême. Fait que c'est un espèce de temple qu'on dirait qui est vivant, qui est en forme de spirale, qui a un œil qui regarde tout... Et nos héros comme finissent un peu là. Ça, moi, ça me rappelle full des histoires de Lovecraft que tu vois le Cthulhu et tu vires fou, là, genre. Ouais. Là. Fait que c'est comme un peu ça qui se passe pour eux autres. Je trouve ça cool que ça finisse de même. Je trouve ça cool que ça soit légèrement expliqué que, genre, il y a une force qu'on ne comprend pas, mm-hmm. qui va arriver, genre, aux 100 millions d'années ou peu importe. Ouais. à cette même place-là où ce village-là est construit, tu comprends qu'ils vont rebâtir un village normal un jour, puis que cette spirale-là va réarriver. Fait que moi, ça, j'ai trippé. Mais le bout avant que tout le monde est capable de faire des tornades en soufflant, là, ça... C'est le bout aussi que j'ai un peu décroché, surtout quand t'as ce qu'ils appellent dans ma version le gang des papillons. Ça veut dire des gros méchants qui prennent cette habilité-là de ça, pouvoir souffler. Ça a comme pas rapport. Puis tu vois qu'ils ont été designés, puis c'est comme des méchants de cartoon, puis on est une méchante gang, je vais détruire la maison. Ils ressemblent à des méchants dans un film de Jackie Chan des années 90. Genre. Ouais. Tu sais, genre, ils porteraient du fluo, puis ils avaient un boombox sur l'épaule. Ouais, puis ça. Ça, c'est le seul bout, ça fait non. Ça, j'en marque pas. Ouais. Je décroche. Puis en plus, ça sert à rien. Ouais. Ça va jamais nulle part. Il aurait pu facilement expliquer la destruction du village autrement. Ouais. Je trouve l'image est beaucoup plus forte quand on dit que n'importe qui de vivant, n'importe quel être humain est capable de générer cette force-là. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que c'est un personnage d'une reporter qui arrive de l'extérieur. Puis justement, il arrive en voiture. Puis vu la vélocité, ben, il cause une tornade qui suit la voiture. Ouais. Finalement, tout le reste de l'équipe meurt dans le carambolage. Ouais. Puis il y a la reporter qui arrive dans les ruines, puis elle voit trois jeunes enfants attachés sur des pieux, ligotés, puis un truc sur la bouche. Puis évidemment, elle va les sauver, mais dans le fond, eux, c'est trois petits Chris qui s'amusent à tout défaire. Ouais. J'ai l'impression que des fois, c'est ça, il y a des histoires qui ont été bâties pour une image. Ouais. Puis cette image-là est malade. Oui, très drôle. C'est tout en ruine avec les trois kids attachés. Oui, on dirait trois sacrifiés ou... Exact. C'est freaky, là. Ouais. C'est le genre d'affaire qui fait Silent Hill, je trouve. Mm-hmm. C'est inexpliqué, puis tu fais comme, what the fuck, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut se rendre là, genre? Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que, en gros, moi, j'ai capoté. Oui. C'est une recommandation à fond. Moi aussi. Mais c'est vrai que ça manque parfois un peu de constance. Il y a certaines histoires que tu fais comme, ok, ça aurait pu être dans un autre truc, complètement. Il y a des idées des fois qui sont avancées, puis qui sont pas poussées, puis que finalement on va pas par là. J'ai l'impression que c'est beaucoup dû... tu te rappelles de Bakuman? Oui. On va juste l'expliquer rapidement. Bakuman, c'est un manga sur deux kids qui... faire du manga. Oui, et qui montre l'envers du décor de l'industrie du manga. Exactement, fait que tu suis beaucoup le processus de création. Puis au Japon, c'est vraiment pas comme en Amérique du Nord ou même en Europe. Ils ont un style de production très particulier, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui vont être publiés dans un gros bottin qui sort à chaque semaine. Oui. Et l'éditeur est une force créative aussi, parce que l'éditeur, c'est le lien entre le lecteur et l'auteur. Ouais. Fait que l'éditeur va faire comme, ça le monde a trippé là-dessus, mais plus de ça. C'est ça, ça joue beaucoup avec la réponse du lecteur. Ouais, l'éditeur, c'est presque un chef d'orchestre. C'est lui qui va faire comme, plus fort ça, moins fort ça, rajoute plus de poivre là. Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être souffert un peu de ça. Ok. Que l'éditeur, peut-être qu'à un moment donné, il voulait juste pitcher vers une direction. OK, le monde, ils ont vraiment aimé ça, là, quand t'as fait un trou dans la tête de la fille, là, fait que fais plus d'images de même. Puis l'auteur était comme, right. Fait que c'est peut-être pour ça, en même temps, regarde. Faudrait y demander. faudrait aller y demander. Mais c'est pas assez gros pour gâcher l'expérience. Ah au contraire. Non, on est quand même pointilleux. Ouais, très. Ça tient très bien. Ouais, on critique un chef-d'œuvre quand même. On ne veut pas sociologue ou philosophe, mais la thématique, la métaphore de la spirale, en gros, dans tout ça, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Hey boy! Crise de questions philosophiques. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de symboles à travers le temps. T'as sûrement vu le symbole grec, l'ouroboros, qui est un serpent qui se mange la queue. Ouais. Donc la destruction et la régénération. Quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. C'est drôle. Right back at you. Ouais. Mais c'est sûr que l'histoire se termine, comme tu disais tout à l'heure, le temps va passer, la ville va se rebâtir, la malédiction va revenir, puis tout détruire. Fait que c'est cyclique, puis c'est une force qu'on contrôle pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pour moi, la spirale, c'est vrai que c'est une forme particulière parce que c'est un pattern qui est tellement pas naturel, mais qu'en même temps qu'on retrouve dans la nature beaucoup. Fait que ce que je veux dire quand je dis que c'est pas naturel, c'est que ça va être genre, c'est rare. T'sais, dans le fond, ouais, tu vas pas voir un arbre en forme de spirale. Non, mais tu coupes un arbre et ça cime. Exactement, c'est ça. C'est très bien dit, c'est vrai. Fait que c'est vrai que c'est un pattern weird qui est dans la nature. Mm-hmm. Puis moi, j'ai tout le temps associé ça à, puis c'est peut-être à cause de l'album de Nine Inch Nails, ouais, mais à une espèce de descente. Pour moi, une spirale, okay, ça descend, puis ça monte pas. Non, ça va vers le bas. Okay. C'est comme ça t'attire, puis ça te... Il y a un magnétisme là-dedans qui va t'aspirer, ouais, genre, quasiment. Ouais. Ouais. Je pense que les personnages sont, justement, il y a une très grande force hypnotisante qui prend le contrôle sur eux. Mm. D'ailleurs, c'est drôle que l'héroïne est pas tant affectée. Ouais. Parce qu'elle vit beaucoup. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, à part l'épisode des cheveux. Ouais. Pas nécessairement immunisée, mais ben, pratiquement. Ouais. Elle est fatiguée, elle a pas de ressources, elle a faim, elle a froid, tout ça. Mais elle a pas elle est pas affectée. Tu sais, on pense à l'épisode du phare. Oui. Il y a un phare qui est comme possédé par cette spirale-là, et oui, la parce lumière... Parce que la ville est près d'un grand cours d'eau, que c'est une ville côtière. C'est ça. Évidemment, c'est le un phare, ce que ça fait, c'est que ça tourne. Oui. Fait qu'encore là, t'as la spirale là-dedans. Et la lumière est comme un peu possédée, et elle brûle tout le monde qui essaie de s'en approcher. Oui. Tout le monde creuve. Mm-hmm. Tout le monde, genre, brûle vif, mais pas elle, parce que elle a sauté, ouais, genre, ouais, tu sais, fait que c'est ouais, mais je suis content qu'elle meure, en fait. mais le pire, c'est qu'on s'attache à elle quand même, on l'haït pas, ce fait deux. Pas, hein? Ben. Au début, elle dit, je vais te conter une histoire de ce qui t'est arrivé. Ouais. Ouais. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en tourne avec son. Quoi? Ouais. T'as pas lu ça, toi? Ouais. Quoi? Ouais, hein? Non, t'as raison, j'ai eu un doute. Parce que c'est she lived happily forever, mais dans la mort. Ouais. Dans le fond, on s'est fait avoir par le début que. Ben non, ça a du sens, parce qu'elle finit son histoire comme ça. Ouais. Fait que c'est comme si, dans le fond, sa narration était née à ce moment-là. Okay. C'est comme si on avait ses dernières pensées. Ouais, c'est un peu, tu sais, genre, ta vie flash devant tes yeux avant de mourir. Ouais, ouais. Fait que c'est comme si, dans ses derniers moments, elle repensait à tout ça. Mm-hmm. Moi, c'est le même que j'ai vu. Okay. Je trouvais que ça avait du sens. Ouais, ouais. Ça t'a-tu donné le goût de lire d'autres choses de cet auteur-là? Oui, absolument. OK, bon, ben je t'en prêterai. OK. Moi, ça m'a full donné le goût. Je vais me taper Tomier. OK. Direct, genre, les 9 films. Puis on se tapera les 9 films. Ouais. J'ai, à cause de tout ça, et de la nouvelle aussi récente de Guillermo del Toro, qui va travailler sur Silent Hill. Oui. Le jeu. Ça m'a donné le goût de refaire Silent Hill, man. Puis je pense qu'on devrait se faire ça éventuellement, là, ouais, comme épisode, là. Ouais. Se taper le premier Silent Hill au PlayStation, je sais pas si c'est possible. J'ai jamais joué. Je sais pas si c'est possible de se le faire genre one night. Je pense pas. Ouais. Je pense que c'est trop long pour ça. Je pense que ça doit être une trentaine d'heures. Ouais. Ça serait mieux que ça mijote dans l'esprit de tous les jours, puis qu'on revienne. Puis... Ouais. Qu'on fasse notre train-train quotidien avec ça, on n'a rien pensé. Puis... En même temps. On s'éloigne, ouais, mais moi, la dernière fois que j'ai joué, ça fait quand même longtemps. Puis c'est des puzzles qui ont super mal vieilli. Okay. C'est pratiquement impossible de savoir quoi faire. Ouais. à l'époque, c'était encore le bon vieux truc de genre, ben, s'ils ne savent pas, ils vont jouer plus longtemps. Donc, mmh. plus de durabilité de jeu. Mais ouais. ouais, mais c'est le fun aussi quand c'est le fun. Mmh. C'est le fun d'avoir du fun. Fait que moi, c'est sûr que si je le rejoue, je vais avoir un fac à côté de moi juste pour m'éviter le trouble, mais surtout profiter de l'ambiance puis de l'horreur même de ce jeu-là. Ouais. Fait que... Bonjour. J'ai juste te demandé pour côté visuel du dessin. Ouais. J'ai mentionné tantôt l'auteur Maolo, qui fait aussi de l'horreur un peu plus graphique. Ouais. Je pense que c'est de l'Hero Guru qui appelle. Ouais. Okay. C'est ça, toi, personnellement, est-ce que tu vois une similarité? Honnêtement, c'est le genre de truc que quand t'es dedans, c'est comme n'importe quoi. C'est genre quelqu'un qui a jamais écouté de punk rock de sa vie. Ok. Green Day, ça va sonner comme NoFX un peu. Ouais. Moi, c'est juste que j'ai tellement plongé dans Maruo que je suis pas capable de voir la similitude, okay. sauf peut-être les thèmes qui sont grotesques un peu. Ok. Mais c'est un style graphique qui est complètement différent. Mm. Ça, on parle d'une influence beaucoup plus, justement, Van Gogh ou Cri de Munch. Oui. L'autre, on parle beaucoup plus d'un style qui est plus près de la propagande oui. Russe, oui. Tu sais, de la Deuxième Guerre, genre. Mm-hmm. Fait que c'est intéressant, puis je comprends comme quelqu'un qui ferait le lien entre les deux. Oui. C'est juste que quand t'es trop dedans, tu, à un moment donné, tu le vois plus parce okay. que les deux ils ont une identité super forte. Là. Mais j'ai d'autres mangas, justement, de Maruo qu'on pourrait parler à un moment donné. Ouais. C'est... Mais une des influences de Junji Ito, c'est Kazuo Umezu, qui a écrit Cat-Eyed Boy. Oui. Et aussi... Oui, c'est ça, c'est son influence qui doit être... plus vieux. Là. Ouais, lui c'est une légende au Japon. C'est oui. comme lui qui a créé le manga d'horreur moderne. Okay. Et il a écrit un manga que malheureusement n'est pas disponible en print, mais on peut le trouver sur internet pour gratis. Oui. Qui s'appelle Left Hand of God, Right Hand of the Devil. Et faites juste... Il y a un film de ça, ouais. Okay. Faites juste lire le premier chapitre, là, mm-hmm. puis vous allez capoter. Il y a des ciseaux dans la tête des enfants à un moment donné, puis c'est fou dans la tête. C'est l'horreur là, japonaise à son meilleur. Ok. Fait que ça aussi, on... C'est une recommandation. Ouais, recommandation. Si vous êtes fan puis vous en voulez plus, allez vers ça. Si vous en voulez encore. Ouais. fait que c'était horrible, c'était horrifique notre ouais. émission. C'était-tu horrible ou horrifique? on essaie des nouveaux micros encore, fait que... Ouais, dites-nous le là. Ouais, mais tu sais, en même temps, on a-tu vraiment... On a plus vraiment d'alternative après ça. Mais moi, j'allais dire, on a-tu vraiment des commentaires de monde? Y a-tu du monde qui écrit? Ouais, écrivez-nous. Ouais, ouais. Michel, ouais. Comment? N'importe quoi. Puis on... Je sais que Lorraine nous écoute aussi. Ouais, ouais, en fait, c'est pas une blague, mais il nous a demandé de l'inviter pour faire une émission spéciale sur Friends. Sur Friends? Ok. Sinon, il y a Simon Chénier. On veut inviter plein de monde. Simon Chénier ouais, veut en faire une sur The Max. Ok. Oh. Que moi, j'écoutais en plus dans les années de la carte. Ouais. Parce que là, encore une fois, on a un peu été à côté comme avec 50 Miles to Merrick. Ouais. On n'a pas découvert ça quand on était kid. Ça. Fait que non. Ça n'a pas rapport. Notre première exposition date, c'est ça, comme tu dis, peut-être. Plus d'une dizaine d'années, mais on vient de le lire. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est quoi de regarder d'avant pour checker le passé? Mieux souvenir derrière. Ouais. Fais-tu une spirale? Ah! Ah! Tout est dans tout. Tout est dans tout, ça c'est gaffe. Ah boy. Fait que ouais, il y a d'autres épisodes, d'autres invités qui s'en viennent. Puis j'espère que vous allez être là avec nous. Et on va avoir une petite surprise à mettre du vieux stock sur Facebook, du vieux stock visuel. Qui vient de la cave, ouais. de ta cave ouais, de l'époque. Regardez ça. Ouais. Et, dites à tout le monde de nous écouter, même si c'est pas... Okay. Fait que en se mangeant nous-mêmes notre propre queue, on s'en va-tu en musique? Ouais. Ouais, on a-tu fait le dernier mot pis tout? Je crois que oui, là. Ok. Recommandation. Fait qu'on s'en va écouter justement le compositeur de Silent Hill, ouais. Akira Yamaoka. Et on va écouter la pièce qui vient de Silent Hill 4, The Room, qui s'appelle The Last Mariachi.